إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، nous allons inshallah aujourd'hui terminer les cours sur les quatre règles. Donc on en est arrivé au cours numéro 8. Et donc c'est la quatrième règle. Pour résumer, inchallah, brièvement, pour ceux qui n'auraient pas écouté les cours précédents, qui sont notamment disponibles sur mon site internet, eh bien, donc dans les quatre règles, cela nous permet de comprendre sur quoi se tient les musulmans dans leurs croyances et sur quoi se tient donc les associateurs, les polythéistes dans leurs croyances. Tout d'abord, on avait vu que les polythéistes, les associateurs, avaient la ferme croyance qu'Allah, Azza wa Jal, qu'Allah le Très-Haut, est leur créateur. Ils n'ont jamais renié qu'Allah, Azza wa Jal, est leur créateur. Ils ne l'ont jamais renié. Mais le simple fait de croire qu'Allah est le créateur, cela n'est pas suffisant pour être musulman. Car tous les mécréants et les associateurs et les polythéistes croient que l'unique créateur c'est Allah. Ils n'ont jamais attribué à leur statut le moindre attribut de création, ni à leur croix, ni à leurs animaux ou à leurs vaches ou à quoi que ce soit, ni aux morts. Ils n'ont jamais dit que les morts peuvent créer. Mais, bien qu'ils ont eu cette croyance-là, le fait de croire qu'Allah existe, eh bien cela n'est pas suffisant pour être un croyant. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on croit en quelque chose qu'automatiquement on est un croyant. D'accord ? Un croyant, un mu'min, c'est celui qui croit en l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration qui doit être vouée exclusivement à Allah Azza wa Jal, et qui adore Allah Azza wa Jal, sans rien lui associer. Mais celui qui croit qu'Allah est le créateur, eh bien cela ne le fait pas rentrer dans l'islam. On se rappelle que Abu Jahl, qui était la tête du kufr, qui a combattu de toutes ses forces le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba, eh bien lui croyait qu'Allah c'est l'unique créateur. Et les associateurs et les mécréants, ceux qui de la tribu de Quraysh, ceux qui associaient à Allah Azza wa Jal ces différentes statues qu'ils mettaient au-dessus de la Kaaba, eh bien, ils n'ont jamais attribué à ces statues-là qu'elles avaient un quelconque attribut dans le pouvoir de créer. Ils avaient la ferme conviction qu'Allah est le seul créateur, mais ils adoraient ces statues-là afin de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et on sait ce qu'Allah Azza wa Jal a dit, ce que concernant la parole de ces associateurs et polythéistes qui ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, «Ja'ala al-alihatan ilahan wahida, inna hadha la shay'un ujab». A-t-il fait de toutes les divinités une seule à adorer, c'est-à-dire le seul, l'unique, Allah Azza wa Jal, il vient avec une chose étrange. C'est pour cela que dans l'autre verset, ce qu'Allah Azza wa Jal dit concernant ce que les polythéistes avançaient comme propos, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Nous ne les adorons que pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Donc ils adoraient ces statues et ces divinités-là, d'accord, uniquement dans le but de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. D'accord ? uniquement pour se rapprocher d'Allah Azzawajal. Et on dit que ce sont des divinités parce que les gens les adorent. Mais ce sont des fausses divinités. Car, wafika akhi Giovanni, mais ce sont des fausses divinités, car elles ne peuvent en rien créer. Donc elles sont adorées, parce qu'elle ilah. Alaha, c'est un synonyme de abada. Al-ilah ou al-ma'boud. L'ilah, c'est celui qui est adoré. Donc à partir du moment où un individu se met à adorer une pierre ou une tombe ou une statue ou un animal ou n'importe quel type de créature, lorsqu'il se met à l'adorer, il le met au rang de divinité. D'accord? Parce que la divinité, c'est ce qui est adoré. Mais c'est ce qui est adoré en droit ou ce qui est adoré avec fausseté. D'accord? Étant donné que toutes ces créatures qui sont adorées en dehors d'Allah, eh bien ce sont toutes des créatures. Le seul et l'unique créateur, c'est Allah Azzawajal. Et en dehors d'Allah, tout est créature. Donc tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, leur adoration est fausse. Est invalide et nul. Comme Allah Azzawajal dit, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ. Ceci car Allah est le vrai, l'unique, qui est en droit d'être adoré, qui mérite seul l'adoration, et ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. Tout ce qui est adoré ou invoqué en dehors d'Allah Azzawajal, c'est le faux. D'accord? Donc on comprend bien pourquoi ce sont des fausses divinités. D'accord? Elles sont adorées avec fausseté. Toute créature qui est adorée, eh bien, est adorée avec fausseté. Que ce soit la croix, que ce soit un prophète, que ce soit un arbre ou une pierre ou une tombe ou une statue ou un mort, peu importe la créature. Leur adoration est nulle et invalide, l'adoration qui leur est vouée. D'accord? Donc, le premier point, c'était cela. C'était de comprendre que tout d'abord, en effet, les associateurs, les polythéistes, donc qui sont des mécréants, eh bien, n'ont jamais renié qu'Allah est le Créateur. Et on avait pu voir que ça, c'est le problème que certains qui sont impliqués dans la prédication. Eh bien, on se rend compte que pas mal d'entre eux ne comprennent pas le sens de la ilaha illallah. C'est pour cela qu'ils pensent que la ilaha illallah, c'est de croire qu'Allah est le seul créateur. D'accord? Et cela est faux. Cela fait partie du sens, mais c'est faux. Ce n'est pas le sens qui est voulu. La ilaha illallah, ça ne veut pas dire que d'attester qu'Allah est le créateur. Car si la ilaha illallah signifierait qu'Allah est le créateur, alors Abu Jahl aurait été musulman. Abu Jahl, qui est la tête du kufr, aurait été musulman. Et ceux qui disent ça, ils veulent dire que, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu, eh bien, tous ceux qui croyaient qu'Allah était le créateur, mais qui ont refusé de l'adorer seul, en lui vouant le culte exclusif, eh bien, ils veulent dire par cela, sans s'en rendre compte, hein, on voit le danger de cette parole, que, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu, donc, ses polythéistes et associateurs avec injustice, et ça, hasha ya'oudou billah. On voit l'erreur que commettent certains, donc, qui sont dans la prédication due à leur ignorance du premier pilier de l'islam. Donc si déjà on a un problème dans le premier pilier de l'islam, comment alors on peut se lever et commencer à inviter les gens à l'islam, subhanallah. Donc les polythéistes, les associateurs savaient en toute vérité que le seul créateur c'est Allah, mais cela ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Le deuxième point, on comprend maintenant le but de l'adoration que ces polythéistes et associateurs vouaient à ces créatures, les statues, d'accord? Ou à ces arbres, ou à ces animaux. Leur but, c'était quoi? C'était, eh bien, ils adoraient ces choses-là, ces créatures, d'accord? Ces statues et tout cela, dans le but de se rapprocher d'Allah. Mais également, ils adoraient ces statues et leurs idoles et toutes ces fausses divinités. Ils les adoraient, donc d'une part, dans le but de se rapprocher d'Allah, mais également en espérant que en vouant cette adoration-là à ces créatures-là, eh bien ces créatures-là intercéderaient en leur faveur. D'accord? Et on avait donc vu l'intercession qui est acceptée, qui est confirmée, et l'intercession qui est niée. L'intercession qui est confirmée, c'est celle qui ne se fait que par la permission d'Allah. Et Allah Azza wa Jal honore celui qui va pouvoir intercéder. Et Allah Azza wa Jal, c'est lui qui donne la permission à celui qui aura été choisi par Allah Azza wa Jal pour intercéder. Il choisira qui pourra mériter de l'intercession de cet intercesseur. D'accord? Et Allah Azza wa Jal agrée l'intercession à celui dont Allah Azza wa Jal agrée ses paroles et ses actes. Ses paroles et ses actes. Donc tous ceux qui vont au niveau des tombes, comme on voit au bled, en espérant que ces morts-là puissent intercéder en leur faveur, ou bien comme on peut trouver dans certains livres des sectes déviantes, qui disent aux gens, allez à la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dites, ô envoyé d'Allah, je te demande l'intercession. En faisant, en disant cette parole-là, ils invalident leur islam. Car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ad-du'a huwa al-ibada, l'invocation c'est l'adoration. Et Allah azza wa jalla a dit dans sourate al-Jinn, قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. Dis, j'invoque Allah et je ne lui associe rien du tout. وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَخِي مُوَحِد. Donc, dans la traduction du sens du verset, dis, j'invoque Allah et je ne lui associe rien du tout. Donc l'invocation, c'est l'adoration. Donc lorsque l'invocation est vouée à autre qu'Allah, eh bien c'est associé à Allah Azza wa Jal. Donc celui qui est associé à Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal n'agrée pas cela. Et Allah Azza wa Jal n'accepte pas cela. Et Allah Azza wa Jal nous a clairement informé que celui qui meurt sur le fait d'associer à Allah Azza wa Jal quoi que ce soit, et qu'il meurt dans cet état, Allah Azza wa Jal ne lui pardonne pas, comme Allah Azza wa Jal dit dans Surat An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais il pardonne en dehors de cela. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sans connaître, ce qu'il y a, c'est que, barakallahu fikum, il y a une divergence, parce qu'il y a une question donc sur Paltok, c'est diffusé aussi sur Paltok Salon Asunna, donc le frère Tounisi qui demande si on fait ça sans connaître, c'est-à-dire que il y a des gens qui tombent dans du shirk, qui invoquent Allah Azza wa, qui invoquent autre qu'Allah, qui associent à Allah Azza wa Jal, et parfois ce sont des gens qui ne s'éduquent pas dans la religion, qui n'étudient pas la religion. Très souvent ce sont parfois des personnes âgées ou des gens qui suivent juste les traditions du bled. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que les savants ont divergé sur cela. Certains voient que il n'y a aucune excuse concernant l'ignorance sur tout ce qui concerne les fondements de la religion, c'est-à-dire la aqida, le tawhid. D'accord ? Sur cela, il n'y a aucune excuse de l'ignorance. D'accord ? Parce que ça, tout musulman, se doit de connaître les fondements de sa religion. Subhanallah, tout le Coran, comme l'imam Al-Qayyim rahimahullah a dit, tout le Coran est sur le tawhid. Et Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidhullah, a mentionné que lui, il est de l'avis qu'il ne voit pas l'excuse par l'ignorance, car il dit les Coran sont présents dans les mosquées. Et surtout dans les pays musulmans, où est-ce qu'ils entendent 5 fois par jour l'appel à la prière, l'adhan? Naam, c'est obligatoire que le prophète Mohammed sallam a dit, talab al-ilm wajib ala kull muslim. L'étude de la science est obligatoire pour chaque musulman. Donc il y a une partie des savants qui voient qu'il n'y a aucune excuse de l'ignorance. D'accord? Il n'y a aucune excuse de l'ignorance. Yani sur le fait d'ignorer des fondements de la religion, tels que le tawhid et l'aqida. Et une autre partie des savants voit que il faut tout de même apporter la preuve aux gens. Il y a des gens qui font des choses juste en suivant les traditions et sans donner l'importance à cela. C'est pour ça que parfois il faut être prudent. Il y a des frères, il y a des sœurs, qu'Allah les guide et nous guide, qui ne savent pas que l'étude de la science est obligatoire. Ils ne savent pas. Ils pensent juste parce qu'ils sont nés dans une famille arabe que automatiquement ils sont musulmans à vie. Donc c'est pour cela que, et ça c'est une erreur de comprendre cela comme ça, mais on a tous été ignorants et personne n'est né savant. Donc c'est pour cela que, comme le cheikh Mohammed Amin al-Jami, rahimahullah, qui voit que il faut apporter donc la preuve aux gens. Et pour cela, naam, c'est ça le problème. C'est qu'il y en a qui pensent que ça se tient juste au Ramadan, et ça c'est... Et ça, c'est une erreur. Le ramadan fait partie des 5 piliers de l'islam. D'accord? Mais il n'y a pas juste on jeûne le ramadan et puis on se satisfait de cela. D'accord? Donc, le cheikh Mohammed Amin al-Jami, rahimahullah, voit le fait que il faut tout de même apporter la preuve et leur rappeler. Et lorsque la preuve leur a été apportée, ça y est, maintenant ils n'ont plus d'excuses. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas ou personne ne les a éduqués sur cela. D'accord? Parce qu'il rapporte une parole de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, qui lorsque s'adressait aux Jahmiyyah, vous savez que la prière derrière les Jahmiyyah est invalide, d'accord? Tout comme la prière derrière un Shi'i, d'accord? Eh bien, le Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, lorsqu'il a vu les Jahmiyyah, il leur a dit, si j'avais été à votre place, je me considérerais comme étant un mécréant. Mais vous, vous êtes des ignorants. D'accord? Donc, c'est pour cela que, barakallahu fikum, l'importance hein, de s'éduquer dans la religion et de comprendre que Allah azzawajal ne pardonne pas le shirk. Pour celui qui meurt dans cet état-là, sans s'en être repenti, il est en enfer pour l'éternité. Il est en enfer pour l'éternité. D'accord? Qu'Allah nous en préserve. Amin. Donc, on a vu que déjà, la croyance des mouchriquines, ils croyaient qu'Allah Azzawajal est leur créateur. Donc, ils n'ont jamais renié ça. Ensuite, on comprend que malgré qu'ils croyaient qu'Allah est leur créateur, eh bien, cela n'a pas fait d'eux des musulmans. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les a combattus malgré qu'ils croyaient que Allah est leur créateur. Ensuite, on comprend que, parce que vous voyez, lorsqu'on voit première règle, deuxième règle, troisième règle, et puis la quatrième règle qu'on va voir, Inch'Allah, c'est qu'on voit que comment ça se suit. Comment ça se suit. Ensuite, on comprend le but de l'adoration qu'ils vouaient à autre qu'Allah. Donc ils adoraient ces créatures-là dans le but de se rapprocher d'Allah, mais également en espérant que ces fausses divinités-là intercèdent en leur faveur. D'accord? On avait vu qu'il y a une intercession qui est confirmée et une intercession qui est niée. L'intercession qui est niée, c'est celle qui est... Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa khizyat. L'intercession qui est niée, c'est celle qui est demandée à autre qu'Allah. Celle qui est demandée à autre qu'Allah, d'accord? Alors que seul Allah Azzawajal doit être invoqué. Donc, l'intercession qui est niée, c'est celle qui est demandée à autre qu'Allah, d'accord? Alors que cette créature-là, ou ce mort-là qui est invoqué, eh bien, lui ne peut pas permettre une intercession. Seul Allah Azzawajal la permet. D'accord? Et seul Allah Azzawajal l'autorise. Et c'est Allah Azzawajal qui choisit. D'accord? Parce que le mort qui est invoqué, là, que certains invoquent en dehors d'Allah, ce mort-là, d'une part, il ne nous entend pas lorsqu'on l'invoque et lorsqu'on lui parle. Et même s'il entendrait, il ne pourrait pas nous répondre. D'accord? Donc, celui-ci est faible et celui qui invoque est également faible. Subhanallah. Et yani, invoquer autre qu'Allah, ça annule l'islam. Ça annule l'islam de l'individu qui pratique cette injustice majeure, cet associationnisme majeur, qui invalide toutes les œuvres. Toutes les œuvres sont invalidées. À partir du moment où un individu invoque autre qu'Allah, place sa confiance en autre qu'Allah, il invalide toutes ses œuvres. C'est-à-dire que même s'il continue à prier, tant qu'il ne s'est pas repenti de cela, même s'il prie, même s'il fait le hajj et il fait les économies de 5000 euros pour aller au hajj, et il va faire des omra et des hajj et il donne aux pauvres, etc. Eh bien, même s'il fait toutes ses bonnes œuvres apparentes, mais il ne s'est pas repenti de l'associationnisme majeur qu'il a commis, eh bien, toutes ses œuvres sont invalides et sont vaines. Vous voyez? Yani, on comprend pourquoi l'importance de la da'wa au tawhid. D'accord? On comprend l'importance de la da'wa au tawhid qui est sous-estimée par les groupes égarés. Qu'Allah les guide. Donc, l'intercession niée, c'est celle qui est demandée à autre qu'Allah Azzawajal. Donc, toute invocation qui est faite à autre qu'Allah, eh bien, ça annule toutes les œuvres de l'individu, car ça exclut l'individu de la sphère de l'islam. Qu'Allah nous en préserve. Donc, on a compris ensuite que, donc là, on voit comment se dessine, hein, la croyance de ces associateurs et de ces polythéistes. D'accord? Ensuite, c'est sur le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, est apparu chez des gens dont leur culte divergeait. Certains adoraient des pierres, certains adoraient des statues, certains adoraient des arbres, certains adoraient des animaux. Yani, certains adoraient des hommes pieux, d'accord? Certains adoraient les anges, certains adoraient les étoiles, le soleil et la lune. Eh bien, malgré toutes les différentes sortes de cultes qui étaient voués à autre qu'Allah, voyez, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait aucune distinction. Il n'a pas distingué entre celui qui adorait les anges et celui qui adorait les pierres. D'accord? Ce n'est pas parce que un tel adore une pierre, donc c'est moins bien que celui qui adore les anges, c'est mieux. Non, il n'a fait aucune distinction. Pourquoi il n'a fait aucune distinction lorsqu'il les a combattus? Eh bien, parce qu'à partir du moment où autre qu'Allah est invoqué, eh bien ça c'est de l'associationnisme majeur. Peu importe s'il invoque un prophète ou s'il invoque un envoyé d'Allah ou bien s'il invoque les anges, ou bien s'ils invoquent des hommes pieux, des hommes vertueux, eh bien leur cas est identique de celui qui invoque les pierres, de celui qui invoque les tombes, de celui qui invoque les rats, les serpents, les vaches, comme en Inde. Il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui invoque des vertueux et des hommes pieux, des awliyas, des bien-aimés d'Allah. D'accord? Et de celui qui invoque des pierres et des tombes. D'accord? Il n'y a aucune différence. Le prophète sallam les a combattus sans distinction. Donc j'ai pas dit on doit combattre ces gens. Et de toute façon, même combattre ces gens, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'automatiquement on prend des armes et puis on va combattre, etc. C'est pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous savez, les 13 premières années à la Mecque, Allah Azzawajal lui a interdit le jihad avec les armes, mais pas le jihad avec les preuves. D'accord? Barakallahu fikum. Wajahidhum jihadan kabira. Sourate al-Furqan. Sourate al-Furqan, vous savez que c'est une sourate mekkiya qui a été révélée à la Mecque. Et Allah Azzawajal a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire aux polythéistes et aux mécréants un grand jihad. Cependant, à la Mecque, le jihad avec les armes n'était pas encore autorisé par Allah Azzawajal. D'accord? Donc, le jihad qui est mentionné dans Sourate Al-Furqan, qui est une sourate mécoise, qui a été révélée à la Mecque, eh bien, c'est le jihad en apportant les preuves et en réfutant les équivoques de ses associateurs et de ses polythéistes. D'accord? Donc la réfutation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc les a réfutés avec les preuves claires. D'accord? Et vous voyez, lorsque on lit le Coran, Allah azza wa jal mentionne qu'il a créé les cieux et la terre, qu'il a tout créé. D'accord? Barakallahu fik. Donc il a tout créé. Mais le fait qu'on lise qu'Allah azza wa jal a créé les cieux et la terre, a tout créé, ce n'est pas pour nous convaincre qu'Allah est le créateur. Non, c'est pour nous rappeler, sachant que vous savez qu'Allah est le créateur, alors seul lui mérite l'adoration. D'accord? Cela mène celui qui lit le Qur'an à se rappeler, mais tu sais qu'Allah c'est le créateur, alors voue-lui le culte exclusif. C'est lui qui t'a créé, qui fait que ce sang coule dans tes veines, que tu respires sans t'en rendre compte. Que ton cœur bat sans t'en rendre compte. D'accord? Eh bien, tu le sais, tout cela. Tu t'en rends compte de tout cela. Si vous comptez tous les bienfaits qu'Allah Azzawajal vous a donnés, vous n'arriverez pas à les énumérer. Tu sais que c'est Allah Azzawajal qui t'a donné tout cela. Et tu vas te mettre à invoquer autre qu'Allah. D'accord? Bien sûr, parce que c'est la plus grande des injustices. C'est la plus grande des injustices. C'est Allah qui te donne tout cela et tu vas invoquer autre que lui. Subhanallah. Et que tu vas adorer autre que lui et que tu vas aimer autre que lui comme tu devrais aimer Allah. Subhanallah. Yani, on voit que c'est la plus grande des injustices. Donc on voit cette croyance-là qu'avaient les polythéistes, les associateurs. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu donc chez des gens qui avaient des cultes qui divergeaient. Certains adoraient que ce soit les vertus, voilà, que ce soit les pierres. Eh bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a tous combattus sans distinction. Sans distinction. D'accord? Celui qui adorait les vertueux ne pouvait pas dire, non, moi, j'adore, voilà, quelque chose de bien. D'accord? Non, ce n'est pas ça. À partir du moment où l'adoration ou l'invocation est vouée autre qu'Allah, eh bien, cela, c'est de l'associationnisme majeur. D'accord? Qui exclut l'individu de l'islam. Si un musulman se met à pratiquer cela, il n'est plus musulman. D'accord? Donc, la quatrième règle maintenant, barakallahu fikum. Donc ça, c'était pour résumer, mais vous pourrez réécouter les cours, inshallah. Vous avez le lien hein, dans le message au-dessus là qui annonce le sujet du cours. Vous avez le lien de mon site où est-ce qu'il y a tous les audios sur les cours des quatre règles, des explications de Cheikh Saleh al-Sheikh. Barakallahu fikum. Donc la quatrième règle, القاعدة الرابعة أن مشرك زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Donc la quatrième règle, c'est que les polythéistes de notre époque sont coupables d'un polythéisme pire que celui des anciens. Car les anciens n'associaient à Allah qu'en période de prospérité. Par contre, en temps de difficulté, ils adoraient Allah exclusivement. Quant aux polythéistes, aux associateurs de notre époque, ils associent constamment, que ce soit en période de prospérité ou de difficulté. Ceci est indiqué par la parole d'Allah dans la traduction du sens du verset 65 de Sourate Al-Ankabut, 29, c'est-à-dire la sourate 29, l'araignée, quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement leur culte. Une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer, en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés. Donc le Cheikh Salah al-Cheikh, Hafidhahullah, dit dans son explication de ces quatre règles-là, de la quatrième règle. هذه نتيجة قاعدة هي نتيجة لما سبق يعني مرتبة على ما سبق. Donc ceci, cette quatrième règle-là, c'est le résultat de tout ce qu'on a vu dans les trois règles précédentes. D'accord ? إذا تقرر أن المشركين في هذا الزمان من جنس المشركين في كل زمان من جنس مشرك الجاهلية وإن كانوا ينتسبون إلى الملة والإسلام ولهم صلوات ولهم تعبدات إذا كانوا من جنسهم والشرك الذي فعلوه هو الذي فعلوه الأولون فربما زادت الحال وهو الذي بينه الشيخ في هذه القاعدة بأن مشرك هذا الزمان أغلظ شركا من مشرك أهل الجاهلية لما. Donc il dit, lorsqu'on comprend bien que les associateurs, les polythéistes de notre temps, eh bien, sont de la même sorte que les polythéistes en tout temps. Des polythéistes du temps de la Jahiliya, c'est-à-dire avant la venue de l'islam. D'accord ? La période pré-islamique. Même si ceux qui font partie des polythéistes de ce temps-là, même s'ils s'affilient à l'islam, ou s'ils se revendiquent de la communauté musulmane, d'accord ? Et qu'ils ont des prières, c'est-à-dire qu'ils font leurs prières, et qu'ils adorent Allah, ils ont des adorations, d'accord ? Mais ils s'associent à Allah Azzawajal. S'ils sont du même type de ces polythéistes-là, d'accord, et qu'ils pratiquent donc cette association, ce polythéisme, d'accord, comme l'ont pratiqué les premiers, les anciens, d'accord, et peut-être même qu'ils font pire que cela, leur condition peut-être même pire que la condition de leurs prédécesseurs en termes d'associateurs et de polythéistes. Eh bien, c'est ce qu'a montré ici le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, dans cette règle-là. Que les associateurs, les polythéistes de ce temps, eh bien, sont pires, commettent un associationnisme, un polythéisme qui est pire que ceux de la période pré-islamique. Il dit pourquoi ? لأن الله جل وعلا وصف أهل الجاهلية بأنهم يشركون في الرخاء. Parce qu'Allah Azza wa Jal a décrit les gens de la période pré-islamique qu'ils associaient dans la période de prospérité. D'accord ? Lorsqu'ils sont bien, lorsqu'ils sont tranquilles, ils associaient à Allah Azza wa Jal. وَأَمَّا فِي الشِّدَّةِ فَإِنَّهُمْ يُوَحِدُونَ. Mais dans la période de difficulté, les polythéistes, les associateurs du temps de la période pré-islamique, lorsqu'ils étaient tranquilles, bien, eh bien, ils associaient Allah. Et lorsqu'ils étaient en difficulté, eh bien, ils se mettaient à vouer le culte exclusivement à Allah Azza wa Jal. D'accord ? Il dit, قَالَ جَلَّ وَعَلَى وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ الضُّرْ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Dans sourate An-Nahl, dans la traduction du sens du verset 53 de la sourate 16, et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Barakallahu fik, akhi Ziyad. Ce serait mieux, Inch'Allah. Comme ça, ça évite d'entrecouper. Barakallahu fikum pour votre compréhension. Donc, dans la traduction du sens du verset, et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. D'accord ? Puis quand le malheur vous touche, c'est lui que vous implorez. C'est lui que vous implorez à haute voix. Il est yani douna ma siwa. Il dit le cheikh, Salih al-Cheikh, Hafidhullah, il dit, et quand, puis quand le malheur vous touche, c'est lui que vous implorez à haute voix, que vous implorez, ça veut dire que vous vouez exclusivement le culte à Allah. C'est-à-dire là, ils sont touchés par un malheur, et bien ils se mettent à être sincères dans l'adoration qu'ils voient à Allah, là dans l'invocation, lorsqu'ils invoquent Allah, ils sont sincères, ils n'invoquent qu'Allah Azza wa Jal seul. D'accord? فإليه تجأرون. D'accord? C'est lui que vous implorez à haute voix. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. Dans sourate An-Nahl, donc les versets 53 à 54. D'accord? Et tout ce que vous avez, dans la traduction du sens des versets, et tout ce que vous avez comme bienfait, provient d'Allah. Puis quand le malheur vous touche, c'est lui que vous implorez à haute voix. Et une fois qu'il a dissipé votre malheur, voilà qu'une partie d'entre vous se mettent à donner des associés à leur Seigneur, méconnaissant, mécroyant ainsi ce que nous leur avons donné. D'accord? Une fois que le malheur est dissipé, qu'est-ce qu'ils se mettent à faire? Ils se mettent à donner des associés à Allah Azza wa Jal, méconnaissant ainsi ce que nous leur avons donné. D'accord? Wa qala jalla wa ala fi bayan halihim fil bahr. Donc là, le cheikh, Hafidhullah, est en train de rappeler donc les versets concernant l'état des associateurs, parmi les premiers associateurs, d'accord? Les anciens associateurs, d'accord? Pour montrer ensuite l'état actuel des polythéistes et des associateurs, comment ils sont. Regardez ce qu'Allah Azza wa Jalla dit lorsque ces associateurs-là sont dans la prospérité, ils se mettent à donner des associés à Allah. Puis quand un malheur les touche, ils se mettent à invoquer sincèrement Allah Azza wa Jalla sans rien lui associer. Et quand Allah Azza wa Jalla leur a dissipé ce malheur, voilà qu'une partie d'entre vous se mettent à donner des associés à leur Seigneur. Vous voyez l'état de ces associateurs. Puis, il mentionne donc les versets de Sourate Younes, les versets 22-23 de Sourate Younes. قال جل وعلا في بيان حالهم في البحر. Donc Allah Azza wa Jal montre donc l'état de ces associateurs lorsqu'ils sont en mer. حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. Quand vous êtes en bateau, dans la traduction du sens des versets, quand vous êtes en bateau et que nous envoyâmes un bon vent pour les faire avancer sur la mer, ils s'en réjouissent jusqu'au moment où, assaillis par un vent impétueux, c'est-à-dire un vent violent, yani, assaillis de tous côtés par les vagues, se jugeant enveloppés par la mort, ils invoquèrent Allah, lui vouant le culte exclusif et disant, certes, si tu nous sauves de ceci, nous serons parmi les reconnaissants. D'accord? Hatta idha kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin tayyiba wa farihu biha ja'atha rihun عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Donc là ils disent, ils invoquent Allah Azza wa Jalla l'étant. Wa alaykoum as-salam wa rahmatullah wa barakatuh. C'est sur les barakallahu fik akhi Ziyad, c'est sur les explications des quatre règles de Cheikh Salih al-Cheikh. Hafidhahullah barakallahu fik. Donc on en est à la quatrième règle. Donc dans sourate Younes, verset 22, on voit là, ils sont sur le bateau. Et ils sont tranquilles, ils s'en réjouissent. D'accord? Allah Azza wa Jal leur a envoyé ce vent-là qui fait que ils avancent sur la mer. Donc, d'accord? Étant sur ce bateau-là. Puis, jusqu'au moment où arrive le vent qui est violent. Et là, ils sont assaillis de tous les côtés. par les vagues. Ils pensent que ça y est, ils vont mourir là. D'accord? Qu'est-ce qu'ils se mettent à faire? Ils se mettent à invoquer Allah Azza wa Jal en étant sincères dans leur adoration qu'ils vouent à Allah Azza wa Jal. D'accord? Qu'est-ce qu'ils demandent à Allah Azza wa Jal? Certes, si tu nous sauves de ceci, nous serons parmi les reconnaissants. D'accord? Ça, c'est ça. Vous voyez l'état de ces associateurs. Ils sont en difficulté, ils se mettent à invoquer Allah Azza wa Jal. Leur vouant un culte exclusif, lui vouant un culte exclusif à Allah Azza wa Jal. Certes, si tu nous sauves de ceci, nous serons parmi les reconnaissants. لَيْنَ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ سبحان الله. Puis Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction du sens du verset, lorsqu'il les a sauvés, les voilà qui sur terre transgressent injustement. Vous voyez, ça c'est l'état des associateurs, des anciens associateurs, des anciens polythéistes, d'accord, de l'époque pré-islamique. Ils sont tranquilles dans des conditions tranquilles, dans la prospérité, ils invoquent autre qu'Allah, ils donnent des associés à Allah. Puis ils sont dans la difficulté, ils pensent qu'ils vont mourir, eh bien ils se mettent à vouer un culte exclusif à Allah en étant sincères dans l'adoration qu'ils vouent à Allah Azza wa Jal, en demandant à Allah Azza wa Jal, certes si tu nous sauves de ceci, nous serons parmi les reconnaissants. Puis Allah Azza wa Jal, lorsqu'il les sauve, eh bien les voilà qui sur terre transgressent injustement. Donc, ça, ce sont les versets de Sourate Younes, les versets 22-23. وَقَالَ جَلَّ وَعَلَى فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Dans Sourate Al-Ankabut, verset 65, dans la traduction du sens du verset, quand ils montent en bateau, c'est-à-dire ces associateurs-là, là, ces polythéistes, quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah lui vouant exclusivement leur culte. Une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer, en les ramenant sur terre, ferme, voilà qu'il lui donne des associés. D'accord ? وَفِي الْآيَ الْأُخْرَى Et dans l'autre verset, وَإِذَا رَشِيَهُمْ الْمَوْجُ وَإِذَا رَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالذُّلَلْ دَعْوَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَسِدٌ وَمَا يَشْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. Dans Sourate Luqman, le verset 32 de Sourate Luqman, dans la traduction du sens, quand une vague les recouvre comme des ombres, ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement le culte. Et lorsqu'il les sauve vers la terre ferme, certains d'entre eux deviennent réticents. Mais seul le grand traître et le grand ingrat renient nos signes. Et donc le cheikh Salih al-Sheikh Hafidhullah, il dit: إذا تأملت الحال والحال. Donc si tu médites maintenant sur les différentes conditions qu'avaient ces associateurs-là de l'époque pré-islamique, et tu médites sur la condition des associateurs actuels, فَأُولَيْكَ يُشْرِكُونَ فِي حَالِ الرَّخَاءِ. Donc ceux-là, ces associateurs-là de la période pré-islamique, ils associaient Allah Azza wa Jal dans la période de prospérité, d'aisance. وَأَمَّا إِذَا مَسَّتْهُمَ الْبَأْسَاءُ وَمَسَّتْهُمَ الضَّرَّاءُ فَإِنَّهُمْ يَخْلُصُونَ وَيُوَحِّدُونَ دَعْوَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Mais lorsqu'ils sont touchés donc par le mal, ils sont touchés par un malheur, eh bien, ils se mettent à devenir sincères dans le culte qu'ils vouent exclusivement à Allah Azza wa Jal. Ils se mettent à devenir, ils se mettent à unifier Allah Azza wa Jal dans l'adoration. D'accord ? À devenir sincères dans l'adoration qu'ils vouent à Allah Azza wa Jal. Comme dans la parole d'Allah Azza wa Jal, da'aw Allah mukhlisina lahu ad-din, dans la traduction du sens du verset, ils invoquent Allah, lui vouant un culte exclusif. Donc ça, vous voyez, c'est l'état des associateurs de la période pré-islamique. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit le cheikh Hafidhullah concernant les polythéistes et les associateurs de cette période-là, de cette période actuelle? Mais tandis que les associateurs, les polythéistes de ce temps-là, فإنهم إذا مسهم الضر فزعوا إلى العيدروس أو إلى الحسين أو إلى البدوي أو إلى المرغناني أو إلى d'accord? Il dit, tandis que les associateurs de ce temps-là, lorsqu'ils sont touchés par un mal, qu'est-ce qu'ils se mettent à faire? Ils se mettent à se précipiter en invoquant l'Aïdrous, ou bien l'Hussein, ou bien l'Bedawi, d'accord? Ou bien l'Marghanani, ou bien, comme on a au bled en Tunisie, ils se mettent à invoquer Abdelkader el-Jilani, ou ils se mettent à invoquer yani, Sidi Mahrez, Sidi Ben Issa, yani, des morts, d'accord? Lorsqu'ils sont touchés par mal, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à invoquer des créatures, subhanallah. Vous voyez les associateurs, les polythéistes, hein, pour qu'on comprenne bien, inshallah, de la période pré-islamique. Les associateurs et les polythéistes de la période pré-islamique, eux, ils sont touchés par un mal, ils se mettent à invoquer Allah Azzawajal. Et cela me rappelle d'ailleurs une parole de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Al-Fawaid, qu'il disait que le tawhid, le pur monothéisme, eh bien sauve celui qui est un pur monothéiste, mais sauve également le polythéiste qui se met à agir avec le pur monothéisme. Subhanallah. En mentionnant les preuves d'ailleurs que le cheikh Salah al-Sheikh, Hafidhullah, a mentionné dans, comme on a vu dans Surat Luqman ou Surat Yunus. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils sont des polythéistes, des associateurs, et lorsqu'ils se mettent à agir sur le pur monothéisme, c'est-à-dire à invoquer sincèrement Allah Azzawajal, Allah Azzawajal les sauve. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a? Ils invoquèrent Allah, lui vouant le culte exclusif, et disant, certes, si tu nous sauves de ceci, nous serons parmi les reconnaissants. Donc là, ils deviennent, hein, sincères dans l'adoration qu'ils voient à Allah Azzawajal. Donc, en utilisant le tawhid, eh bien, ils sont sauvés. Lorsqu'il les a sauvés, les voilà qui sur terre transgressent injustement. Donc, ça les a sauvés, vous voyez. Et ça sauve également le pur monothéiste. On se rappelle de Younes, alayhi salam, d'accord? Lorsqu'il était dans le ventre de cet énorme poisson, et il s'est mis à invoquer Allah Azzawajal. La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu min adh-dhalimin. Nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité, excepté toi, Allah. J'étais parmi les injustes. Eh bien, par le tawhid Allah Azzawajal, hein, par la cause de l'utilisation de tawhid, le pur monothéisme, eh bien Allah Azzawajal l'a sauvé. D'accord? Il l'a fait sortir d'où il était. Donc c'est ce que je disais entre parenthèses, c'est que, la parole de l'imam Al-Qayyim rahimallah dans son livre Al-Fawaid, dont les mashayikh ont dit que ce livre-là ne doit pas être absent des bibliothèques de l'étudiant en sciences. D'accord? Et c'est un livre que je recommande bien sûr à tous. Il y a énormément de bénéfices. Donc on voit, hein, l'état de ces associateurs. Ils sont touchés par un mal ou par un malheur. Ils se mettent à invoquer Allah Azzawajal en étant sincères dans l'adoration qu'ils voient à Allah. Tandis que les associateurs aujourd'hui, ils sont par un mal. D'accord? Ou à Yani des hommes vertueux, salihin, qui sont morts. Al-Hussein, ils se mettent à invoquer Al-Badawi, ils se mettent à invoquer Abdelkader al-Jilani, ils se mettent à invoquer. Donc, ils se mettent à invoquer, yani, que ce soit des hommes vertueux, ou que ce soit, parfois ils se mettent même à invoquer des choses dont ils ignorent. Subhanallah. Il y avait au Pakistan, yani des gens qui faisaient le tawaf, qui tournaient autour d'une tombe. Ils tournaient autour d'une tombe. Dans cette tombe-là était enterré un chien. Mais ils savaient donc, ils reconnaissaient en fait, ils disaient que ce chien-là, il est devenu un wali. Comment il est devenu un wali? Ça, c'est avec les khurafat des soufis, les histoires à dormir debout, à ces égarés de soufis. Ils disent que parce qu'il y a un wali qui s'est mis à regarder ce chien-là, le regard du chien est resté fixé sur le regard du wali. En le regardant, ce chien-là est devenu le wali des chiens. D'accord? Wa alaykoum assalam wa rahmatullah, c'est Hamo. Donc, il dit donc que le chien est donc devenu le wali des chiens parce qu'il a regardé un wali. Et donc, ils lui ont fait une tombe et les gens tournent autour. Subhanallah. Et lorsqu'ils sont touchés par un mal, ils reviennent vers ce chien-là. A'oudou billah. Et vous voyez jusqu'où ils sont descendus. Donc, on voit hein, dans quel état sont les associateurs d'aujourd'hui. وهذا لا شك أنه أعظم من شرك الأولين. Et il n'y a aucun doute, le Cheikh Salah al-Sheikh Hafidhullah, il dit, il n'y a aucun doute que l'associationnisme, le polythéisme de ces gens d'aujourd'hui qui le pratiquent est pire que le polythéisme que pratiquaient les associateurs, les polythéistes du temps de la période pré-islamique. D'accord? Parce qu'ils soient les polythéistes aujourd'hui, qu'ils soient en période d'aisance ou en période de difficulté, dans tous les cas, de toute façon, ils s'en remettent à qui? Ils s'en remettent à autre qu'Allah. Tandis que les associateurs de la période pré-islamique, tandis que les associateurs de la période pré-islamique, eh bien, ils s'en remettent à autre qu'Allah dans la période de prospérité, mais ils ne s'en remettent qu'à Allah dans la période de malheur et de difficulté. Donc c'est pour cela qu'il dit, il n'y a aucun doute hein, que le polythéisme des gens d'aujourd'hui est pire que le polythéisme des premiers. Parce qu'ils associent à Allah Azzawajal dans les deux conditions, qu'ils soient en condition prospère ou en condition de difficulté. Tandis que les polythéistes hein, de la période pré-islamique, ils associaient dans un seul cas, pas dans les deux cas. Ils associaient qu'en temps de prospérité. Et ils se rappellent d'Allah Azzawajal d'invoquer uniquement Allah dans la période de difficulté. Et donc il dit le Cheikh, Hafidhullah, Walakin. Mais qui donc va comprendre cela? Donc il dit, qui donc va comprendre cela? Donc, qui c'est qui va comprendre cela sans aucun équivoque, d'accord? Sans aucun doute, et qui va le comprendre parfaitement. Parce qu'il y a certaines personnes, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, comment que ça se fait que tu dises? Comment se fait-il que tu dises que les polythéistes d'aujourd'hui, l'associationnisme qu'ils pratiquent est pire? Donc les polythéistes d'aujourd'hui sont pires que ceux d'avant, que ceux de la période pré-islamique, alors que ceux-là, ils font leur prière. Hein? Wayasumun, alors qu'ils jeûnent. Fakayfa yakununa aghlad shirkan min al-awwalin. Comment peuvent-ils avoir un polythéisme pire que ceux de la période pré-islamique? Vous voyez, il y en a pour eux. C'est pas possible. Mais attends, celui-là, il fait un hajj. Mais attends, ils prient 5 fois par jour à la mosquée. Ils n'arrivent pas à comprendre que Hadha qui prie 5 fois par jour à la mosquée, qui fait toutes les salettes en groupe, qui sort sa zakat, qui jeûne son mois de Ramadan, mais cependant, chaque année, il est obligé d'aller à la tombe de Sidi, je ne sais pas qui, et d'égorger pour autre qu'Allah. D'égorger pour le Sidi. Pour, en espérant que le Sidi va lui préserver sa maison, que le Sidi va lui protéger, que le Sidi va... D'accord ? A'oudhu billah. Donc ils ne comprennent pas que lorsque celui qui prie 5 fois par jour, et lorsqu'il est touché par un malheur, il se met à dire « Ya Rasulallah, a'oudhu billah » comme on l'entend. Ou il se met à invoquer « Ya Sidi, Ya Abdul Qadir Jilani » en espérant qu'il va pouvoir le sauver du mal dans lequel il est. Eh bien aujourd'hui les musulmans, ils n'arrivent pas à comprendre que c'est pas possible. Que Hadha il prie et qu'il lit le Coran, et bien que c'était que lui, il est pire, son polythéisme qu'il pratique, il est pire que les polythéistes de la période pré-islamique. Vous voyez là, subhanallah, c'est pour ça que le shaykh dit, mais qui c'est qui va comprendre ça? Qui c'est qui va comprendre cela? Subhanallah. Yani, ça doit être quelque chose de clair. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Et Allah Azza wa Jal dit dans l'autre verset, Allah Azza wa Jal s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: il t'a été révélé à toi et à ceux qui t'ont précédé, aux prophètes qui t'ont précédé, que si tu associes quoi que ce soit à Allah, toutes tes œuvres deviendront vaines. Toutes tes œuvres deviendront vaines, invalides, nulles. Et tu seras parmi les perdants. Et Allah Azza wa Jal dit: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et s'ils associent quoi que ce soit à Allah, eh bien, ce qu'ils auront œuvré, d'accord, eh bien, deviendra invalide. Invalide. Invalide, ça veut dire que tu fais des efforts à jeûner certains jours. Tu fais des efforts à te lever la nuit pour prier. Tu fais des efforts à prier la prière en groupe. Mais subhanallah, tu crois que autre qu'Allah peut avoir un impact dans ta vie. Ou tu lis les horoscopes. Et tu crois que, effectivement, selon ton horoscope et ta constellation qui est à côté de telle et telle planète, eh bien tu connaîtras l'amour, tu auras le bonheur, etc. A'oudou billah. Et que tu prends les choses qui sont bien, ah oui, je vais avoir une bonne journée. A'oudou billah. Tu te mets à invoquer autre qu'Allah. Tu te mets à croire qu'un objet, une créature, un métal, un bout de métal, un fer à cheval ou je sais pas quelle chose que les gens croient que ça leur porte bonheur, d'accord ? Il pense que cette chose-là, eh bien, va repousser le mal, comme la main de Fatma que certains mettent autour de leur cou. Il pense que ça va repousser le mal. D'accord ? Naam. A'oudhu billah. Eh bien, il n'arrive pas à comprendre que, en commettant ce type de polythéisme et en invoquant autre qu'Allah, d'accord ? En ayant peur que le Sidi puisse avoir un impact sur leur vie. Subhanallah. Yani, moi, on me l'avait dit, dès que j'étais plus jeune, yani, quelqu'un au bled m'avait dit que je me suis levé, je me sens malade, je sais pourquoi, parce qu'en fait, yani, je suis malade parce que dans mon rêve, j'ai vu Abdul Qadir al-Jilani, qui était habillé en blanc, il était sur un cheval blanc, il est venu me voir pendant mon rêve, parce que je ne suis pas parti le voir à sa tombe. A'oudhu billah. Vous voyez ? Yahawla wa la quwwata illa billah. Et cela, en période, lorsqu'ils sont tranquilles, lorsqu'ils sont dans l'aisance, ils invoquent et associent autre qu'Allah. Ils associent à Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'ils sont dans le malheur, Ceux-là, ils vont directement courir. Ils vont dire vite, vite, il faut que j'achète un mouton ou une chèvre que j'égorge pour Sidi, je sais pas qui, parce que vraiment il nous arrive des choses et ça fait un moment que je suis pas allé le voir. Ah, oh, oudou billah, vous voyez? La hawla wa la quwwata illa billah. Voilà pourquoi leur polythéisme est pire, pire, parce que dans les deux cas, d'accord? Nous, on regarde pas le fait que, ah, parce qu'il prie, donc, vas-y, son polythéisme sera moindre, ou bien son polythéisme. Eh bien, non, on ne peut pas dire que c'est un politiste ou on ne peut pas dire que c'est pire parce qu'il prie. Non! À partir du moment où il pratique du polythéisme, de l'associationnisme, qui se met à invoquer autre qu'Allah, ou à craindre une chose comme on craint Allah, ou à rentrer dans ses zawiyat, dans ses mausolées, les adriha, dans lesquels, lorsqu'il rentre dedans, il se met à avoir le khushu' comme tu te dois d'avoir lorsque tu rentres dans ta prière. Si tu te mets à ressentir ces choses-là, A'oudou billah, à croire que telle créature que l'individu invoque en dehors d'Allah ou avec Allah Azzawajal, eh bien même s'il prie, même s'il jeûne, peu importe ce qu'il fait, Allah Azzawajal il l'a dit. Walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. S'ils associent à Allah, toutes leurs œuvres deviendront vaines. Donc il ne faut pas être étonné. Il ne faut pas être étonné de cela. Il ne faut pas croire que. Ah non, mais attends quand même, lui il croit, il lit le Coran et il embrasse le Coran. Subhanallah. Même s'il prie toute sa nuit, pendant toute sa vie, il se lève la nuit et prie. Mais il associe et invoque autre qu'Allah, eh bien c'est, il a aucune œuvre qui est acceptée auprès d'Allah Azzawajal. Et s'il meurt sur cela, sans repentance, il va en enfer pour l'éternité. Il va en enfer pour l'éternité. Parce qu'Allah Azzawajal ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Donc il dit le Cheikh Salih al-Cheikh Hafidhullah, il dit Naqul, al-umda ala asl al-din. Notre base de jugement, c'est quoi? Ce n'est pas le fait parce qu'il prie et qu'il associe à Allah, donc on ne peut pas dire que son polythéisme est pire, non. Il dit le jugement, c'est quoi? C'est sur le fondement de la religion. Bila tawhid la tanfa. Parce que là, cette adoration-là, sans le tawhid, eh bien, n'est bénéfique en rien. L'adoration-là qu'il fait, les cinq prières qu'il fait par jour. Mais s'il n'est pas un pur monothéiste, s'il n'est pas un pur monothéiste, eh bien, toutes les œuvres qu'il fait, les sadaqat, la zakat qu'il donne, il aide les pauvres, il aide à construire des puits, il aide à faire, à faire, à faire, il jeûne. Eh bien, toutes ces œuvres-là ne sont bénéfiques en rien sans le tawhid, sans le pur monothéisme. D'accord? On comprend bien, hein? On comprend bien que le pur monothéisme, lorsque l'individu ne l'applique pas et ne l'a pas, d'accord? Ça veut dire que il se met à invoquer autre qu'Allah, toutes les œuvres qu'il a faites deviennent nulles et invalides. D'accord? Ça, c'est pour le polythéisme, l'associationnisme majeur. Tandis que l'associationnisme mineur, d'accord? Le polythéisme mineur, l'associationnisme mineur, eh bien, ça invalide l'acte qui est commis. C'est-à-dire que il rentre dans la salate, il rentre dans la mosquée, pardon, il rentre dans la mosquée, et il vient pour prier deux rak'at, mais il voit les frères, ils sont assis et tout cela, et le shaitan lui insuffle de voilà, d'améliorer sa salate. Il va donc améliorer sa salate. Lui, ça nie, il l'a fait, sa salate en l'améliorant pour qui? Pour ceux qui sont assis, en espérant que ceux-là viennent le voir et lui disent, Mashallah, tu pries bien, etc., etc. Donc, ça, c'est l'associationnisme mineur ou caché. D'accord? Donc, ça invalide l'œuvre elle-même qui est commise. Ça n'invalide pas toutes les œuvres. D'accord? Ça n'invalide que la salette là qui vient de faire. Tandis que l'associationnisme majeur, lorsqu'il se met à invoquer autre qu'Allah, ou à placer sa confiance en autre qu'Allah, ou à aimer une chose comme il aime Allah, يحبونهم كحب الله. Ils les aiment comme ils aiment Allah. D'accord? Ou bien, il obéit à un individu qui a interdit des choses qui sont licites, et lui, il se met à lui obéir. D'accord? C'est-à-dire, il dit par exemple, je sais pas moi, Coca-Cola c'est haram, par exemple. D'accord? Il va dire Coca-Cola c'est haram. Et toi, tu lui obéis en disant oui, Coca-Cola c'est haram, donc je ne le bois pas. Eh bien, tu te mets à adorer celui qui a dit que le Coca-Cola c'est haram. D'accord? اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. Ils ont pris leurs prêtres et leurs rabbins comme des divinités en dehors d'Allah. Donc un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit Oh envoyé d'Allah, nous ne les adorions pas, on n'était pas en train de les adorer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu est-ce qu'il rendait des choses illicites alors que Allah azzawajal les avait rendues licites, et qu'il se mette à rendre des choses licites alors qu'Allah les avait rendues illicites, et que vous les obéissiez dans cela? Ils ont répondu oui. Et bien il leur a répondu, en les obéissant, vous les adoriez. D'accord? Donc lorsque tu te mets à craindre une chose comme tu crains Allah, ou que tu aimes une chose comme tu aimes Allah, ou que tu, yani, comme j'ai expliqué, que tu obéis à quelqu'un, yani, en rendant une chose qui est licite, en la rendant haram, et que tu lui obéis, d'accord, yani, ou que tu crains une chose comme tu crains Allah, ou que tu invoques autre qu'Allah, d'accord, ou que tu invoques autre qu'Allah avec Allah, d'accord, ou que tu te mets à invoquer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou que tu te mets à demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou que tu te mets à dire Ya Rasulallah, yani, c'est haram de dire Ya Rasulallah. Dis Ya Allah, subhanallah. Dis Ya Allah, invoque Allah. À partir du moment où tu invoques autre qu'Allah, et que tu yani, que tu fais des actes d'adoration, tout cela sont des actes d'adoration, d'accord, qui sont voués à autre qu'Allah, d'accord, eh bien cela invalide l'islam de l'individu. D'accord? Invalide l'islam de l'individu. Et les œuvres, peu importe le nombre d'œuvres que l'individu fait, même si c'est énormément d'œuvres apparentes qu'il fait, d'œuvres surérogatoires, on ne parle pas des œuvres obligatoires. De toute façon, les œuvres obligatoires, les cinq prières qui sont obligatoires, le musulman se doit de s'y tenir et de les faire. Il en délaisse une, c'est plus un musulman. D'accord? Il en délaisse une, c'est plus un musulman. Donc, s'il fait énormément d'œuvres surérogatoires et d'œuvres obligatoires, il fait ses cinq prières à la mosquée, etc., etc., mais sans le tawhid, eh bien, toutes ces œuvres-là sont bénéfiques en rien. Toutes ces œuvres-là sont bénéfiques en rien. Donc, on doit bien comprendre le danger de cela. D'accord? Et ne pas être impressionné par les œuvres d'un individu lorsque sa croyance est corrompue. C'est pour cela que le cheikh Hafidhullah dit لِأَنَّ هَذِهِ الْعِبَادَ بِلَ التَّوْحِيد لَا تَنْفَعَ. Ces adorations-là, sans le tawhid, sans le pur monothéisme, ne sont bénéfiques en rien. كَمَا ذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ. Comme nous l'avons mentionné dans les débuts de cette explication-là. كَمَا لَا تَنْفَعَ الصَّلَاةِ بِلَا تَهَارَةِ. Vous savez que, tout comme la prière n'est pas bénéfique sans ablution. Celui qui fait sa salat sans ablution, la salat est invalide. D'accord? فَإِذَا كَانَ هُنَاكَ عِبَادَاتِ عَظِيمَ وَمَعَ الشِّرْكِ فَإِنَّهَا لَا تَنْفَعْ وَلَا تُقْبَلْ. S'il y a d'énormes actes d'adoration, mais mélangé avec de l'associationnisme, eh bien cela n'est pas accepté par Allah. Cela n'est pas accepté et n'est bénéfique en rien. D'accord? On comprend hein, la comparaison avec la salette. Vous savez que la salette sans ablution, eh bien elle n'est pas valide. Eh bien les œuvres, les actes d'adoration qui sont faites, qui sont voués à Allah Azzawajal, mais qui sont mélangés avec des actes de polythéisme, d'associationnisme, de shirk, eh bien, ne sont pas bénéfiques. Toutes ces œuvres-là ne sont pas bénéfiques sans le tawhid, sans le pur monothéisme. D'accord? فكيف إذا كان يشرك في حال الرخاء وفي حال الشدة؟ Alors qu'en est-il s'il se met à associer dans les deux conditions? Dans la condition de prospérité et d'aisance et dans la condition de malheur. Dans les deux cas, il se met à associer à Allah Azza wa Jal. D'accord? وقد ذكر بعض العلماء, certains savants ont mentionné, ont rappelé, أنه لقي رجلا من أهل الطائف. Donc, qu'il a rencontré donc un homme, des gens de Taif. قبل انتشار الدعوة هناك, avant que la da'wa soit propagée là-bas. ومعرفة الناس بالدعوة والتوحيد. Et avant donc que soit propagée la da'wa là-bas et puis que les gens se mettent à connaître donc la da'wa et le tawhid. فقال له هذا. Donc celui-là lui dit, هؤلاء أهل الطائف إذا جاءتهم شدة فزعوا إلى ابن عباس ولا يعرفون الله. Donc celui-là lui dit, ces gens-là de Taif, il suffit qu'un malheur les touche, ils se mettent à se précipiter à Ibn Abbas. Et ils ne connaissent même pas Allah. فقال الآخر, l'autre lui dit, فقال الآخر له, معرفة ابن عباس تكفيهم. Vous regardez le jahl. Donc il y en a un, il lui a dit, ces gens-là de Taif, lorsqu'ils sont touchés par un malheur, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à se précipiter à Ibn Abbas. Et ils ne connaissent même pas Allah. Et l'autre, il lui répondit en lui disant, leur connaissance d'Ibn Abbas est suffisante. Subhanallah. Leur connaissance d'Ibn Abbas est suffisante. A'oudhu billah. وهذا نوع من أنواع الشركيات التي تغلغلت في النفوس. Donc ça, ce sont des types d'associationnisme, hein, qui ne cessent donc d'être dans ces forts intérieurs là de ces personnes là, d'accord, de tourner dans ces forts intérieurs là. حول ولا قوة إلا بالله. نعم. نسوا مع الله جل وعلا في الرخاء وفي الشدة. Donc, subhanallah, donc dans les cas, dans les conditions, hein, vous voyez, par cette réponse-là qu'on entend, subhanallah, l'autre lui dit, lorsqu'ils sont touchés par un malheur, ils se précipitent à Ibn Abbas et ils ne connaissent pas Allah, et l'autre lui répond, leur connaissance d'Ibn Abbas est suffisante, subhanallah, yani, dans des cas de prospérité et de malheur, dans les deux cas, ils ne connaissent pas Allah Azza wa Jal. D'accord? Ils oublient Allah Azza wa Jal et ils s'en remettent à des créatures, ils se mettent à invoquer des créatures. Subhanallah. وهذا كثير كثير اليوم. Cheikh Sarah al-Sheikh Hafidullah, il dit aujourd'hui, cela est nombreux, on voit de nombreux cas comme cela aujourd'hui. فحركتر والناس في عجب في هذا الزمان في هذا الأمر. والله جل وعلا أنعم علينا في هذه البلاد أن لا نرى ولا نسمع ما يقلقنا من هذه الأمور الشركية. Et là le Cheikh Salah al-Sheikh il dit, يعني Allah Azza wa Jal nous a donné comme bienfait que dans ce pays, يعني il parle de l'Arabie Saoudite, on ne voit pas et on n'entend pas donc ce qui nous dérangerait, hein, dans ces conditions-là. Allahu Akbar, ils sont dans un pays, Allahumma barik. Et donc ils ne voient pas donc ces types d'associationnisme, parce que ce pays-là a été bâti sur le tawhid, le pur monothéisme. Hein? Donc il dit لا نرى ولا نسمع ما يقلقنا من هذه الأمور الشركية والكفر الأكبر والشرك الأكبر بالله جل وعلا. On ne voit pas donc dans ce pays, hein, ce qui pourrait nous déranger concernant ces cas d'associationnisme, de polythéisme, de mécréance majeure, d'accord? Naam. De mécréance majeure, de polythéisme, d'associationnisme majeur. وَمَنْ ذَهَبَ إِلَّا الْبِلَادِ الَّتِي تَكْثُرْ فِيهَا الشِّرْكِيَاتِ. Et lorsque quelqu'un va dans les pays dans lesquels il y a de nombreux actes de polythéisme, كبعض جهات مصر, comme certains endroits en Égypte, وبعض جهات السودان, et certains endroits au Soudan, Ouais, Afrique, et en Afrique. Hein, on parle même pas Arnie, hein, l'Afrique du Nord. Yani Tunisie, Maroc, Algérie, d'accord? Et puis les différents pays d'Afrique. Certains en Afrique en ont même mélangé avec les gris-gris et les marabouts, les soufis, ils l'ont mélangé avec l'islam et ils sont venus avec des choses. Au Maroc, à Oud Bella, ils ont fait une secte qui s'appelle, je sais même plus, les Gouanes, voilà, je sais plus quoi. Et ce sont des gens donc qui font à chaque fois des cérémonies et puis ils achètent une chèvre qui doit avoir tel et tel type de conditions. Et donc, il y a une dame donc, qui dit que les djinns sont rentrés dans elle et lui ont dit que maintenant elle va travailler pour ces djinns-là. Et qu'à chaque période de temps, les djinns se mettent à lui dire, allez, il faut que tu achètes une chèvre maintenant, que tu joues de la musique et que tu nous égorges une chèvre pour nous. Et donc il ramène quelqu'un qui va égorger, il récolte le sang, et il se met à mettre le sang sur les instruments de musique. D'accord? Donc ça c'est une autre. Vous voyez, Aoudou Billet. Yani il dit. Donc là en Arabie Saoudite, Allahumma barik. Ils ont pas. Ils voient pas. Yani y a pas ça. Ils entendent pas ce genre de shirkiyat. Parce que la da'wa tawhid elle est là, elle est présente. Allahumma barik. D'accord? Il voit pas donc cette mécréance majeure, ces actes de polythéisme majeur, ces actes de polythéisme majeur, d'accord? Mais celui qui va dans les pays dans lesquels il y a énormément d'associationnisme, de polythéisme, tels que certains endroits en Égypte, certains endroits donc au Soudan, en Afrique, ou à Bardiat, le Pakistan, et certains endroits au Pakistan, jusqu'à qu'il y a un frère pakistanais qui m'avait dit que dans l'endroit où est-ce qu'il vit là-bas au Pakistan, il y a une région là-bas, où est-ce que lorsqu'ils entendent le début de l'éden, ils se mettent à se précipiter vers les tombes et faire un soujoud sur les tombes. A'oudou billah. D'accord? Donc il dit, et certains endroits au Pakistan, ou le Hind, et en Inde. Alors là, on ne parle même pas de l'Inde. A'oudou billah, il suffit qu'il y ait une vache qui s'arrête au milieu de la route. Eh bien, toutes les voitures sont arrêtées et personne n'a le droit de la brusquer ou de la toucher ou de lui dire de partir. D'accord? A'oudou billah. Avec leur chair qu'ils ont, ils sont infestés par la peste et ils donnent à manger aux rats. Parce que pour eux, ils invoquent autre qu'Allah Azzawajal. Et le mushklanta qu'il y a aussi en Inde, c'est que les musulmans qui sont en Inde, on a du mal à les différencier des hindous. A'oudou billah. Yani même dans leur célébration de mariage, ils se mettent à s'habiller comme les hindous. Yani ici, un musulman indien et un hindou. Indien. Un hindou qui est indien et un musulman qui est indien. Marchent côte à côte. Subhanallah, c'est compliqué. Hein. Moi, j'avais vu des cas comme ça. Yani, on ne sait même pas qui est musulman. Yani, Allah al-Musta'an. Sauf si ils se mettent à appliquer la sunna. Et là, on pourra distinguer Allah al-Musta'an. Donc il dit, et en Inde, et en Irak. En effet, en Irak, il y avait un Irakien qui m'avait dit qu'ils avaient un arbre, je ne sais pas où est-ce qu'il est situé là-bas en Irak. Et ils disent, et donc, ils posent des choses au niveau de cet arbre-là, ils recherchent de la baraka de cet arbre-là. Subhanallah, et cet individu-là, qui était Irakien, il priait avec nous dans la mosquée. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa Souria, et en Syrie, wa nahwi dhalika. Ra'ajaban, celui qui va dans ces endroits-là, eh bien, il va voir le ajab, des choses vraiment extraordinaires. A'oudou billah. Des choses étranges, quoi. D'accord? Wannas yatawajjahuna ila hadhihi al-adriha. Et les gens, hein, s'orientent vers ces mausolées. Wa ila madafin al-awliya. Et ils vont vers les tombes de ces awliya. C'est. Yani. C'est vertueux, c'est awliya, yani c'est bien aimé d'Allah. Bel wa ghayr al-awliya. Et certains s'orientent même et se dirigent même vers autre que les awliya. Wa ya'taqiduna fihim i'tiqadat. Et ils croient en eux, yani en ces awliya-là, ils ont des croyances. A'oudou billah, lorsqu'on peut lire dans les livres des soufis, a'oudou billah, a'oudou billah, a'oudou billah. Parce qu'en fait, ils considèrent que le wali est au-dessus du prophète. D'accord? En considérant cela, ils se disent que eh bien, le wali n'a pas besoin de suivre le prophète. Et donc, il peut faire ce qu'il veut, jusqu'à ce qu'ils ont un livre d'une 360aine de pages là, rempli d'égarements, dans lequel ils disent qu'un tel, on ne sait même pas qui il est, il n'y a aucune chaîne de transmission, un tel, radiallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, pratiquer la pratique du peuple de Lout avec un âne. Et il dit, Allah est satisfait, qu'Allah soit satisfait de lui, subhanallah. Parce qu'ils disent que lui, c'est un wali, il fait ce qu'il veut et t'as pas le droit d'argumenter avec lui ou de lui dire quoi que ce soit. Parce que lui, il est au-dessus du prophète selon l'égarement de ces soufis là. Donc c'est pour ça que le Jir Sal al-Shir Avedullah, il dit, donc il y en a qui s'orientent vers les Aouliyas et autres que les Aouliyas, et ils ont des croyances, a'oudou billah, yani, sur cela. Ja'alou lahum nasiban min al-ilahiyya. Ils ont voué à ces choses-là une partie de l'adoration de la divinité. D'accord? En les mettant, certains avec leur aqida, en sont arrivés à faire des dégâts. Et il y en a aujourd'hui qui ne s'éduquent pas dans la religion, qu'Allah les guide et nous guide, amin, qui sont influencés par les livres du soufi Kafir Ibn Arabi, dans lequel il dit que le créateur et la créature ne font qu'un, wahdat al-wujud. Il y en a, oui, et ils pensent philosophie, ils pensent que c'est bien. A'oudou billah. Ils se mettent à dire, celui qui adore la vache adore Allah. D'accord? Celui qui adore la vache adore Allah. Jusqu'à même dire, mais celui qui adore le chien et le porc est en train d'adorer Allah. A'oudou billah. Vous voyez comment ils vouent l'adoration à autre qu'Allah. Wallahu jalla wa ala. Lahu al-haqq al-a'zam fi ikhlas ad-din lah. Et Allah, le Très-Haut, a le droit total et le seul qui est en droit et digne d'être adoré avec sincérité et le seul qui mérite l'adoration en toute vérité, que la religion lui soit vouée sincèrement et exclusivement. Que tous les actes d'adoration ne soient voués uniquement à Allah Azzawajal. C'est le seul. Allah Azzawajal est le seul. C'est le seul créateur, le seul qui mérite l'adoration. Étant donné que c'est le seul créateur, c'est le seul qui mérite l'adoration en toute vérité. وأعظم ما يستحق جل وعلا أن يعبد القلب له وأن لا تكون ثم عبادة إلا له سبحانه دون ما سواه. Et c'est le seul qui mérite donc que tout acte d'adoration lui soit voué et que le cœur, que les adorations donc, que faire en sorte que le cœur voue tout acte d'adoration uniquement et sincèrement à Allah Azzawajal, qui ne s'oriente que vers Allah Azzawajal, qui ne s'en remette que à Allah Azzawajal. Comme a dit Allah Jalla wa Ala, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. C'est le verset 110, le verset 110 de sourate Al-Kahf. Le verset 110 de sourate Al-Kahf. C'est le dernier verset de sourate Al-Kahf. On se rappelle que ce dernier verset de sourate Al-Kahf contient, sourate la caverne, contient donc les conditions d'acceptation des œuvres. En islam, comme l'imam Ibn Kathir, rahimallah, avait expliqué dans son tafsir, فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ quiconque souhaite la rencontre de son Seigneur, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا qu'il fasse une bonne œuvre. وَقَالَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ مَا كَانَ مُوَافِقًا لِشَرْعِ اللَّهِ. Et l'imam Al-Kathir rahimallah a dit, la bonne œuvre c'est ce qui est en conformité avec la législation d'Allah. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا et qu'il n'associe rien dans l'adoration de son Seigneur. D'accord? Yurid bihi wajh Allah wahdahu la sharika lah. Il veut par cette adoration-là qu'il voue uniquement Allah Azza wa Jal. D'accord? L'œuvre pieuse, la bonne œuvre, c'est celle qui est en conformité, qui est en conformité à la législation avec laquelle est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il n'associe rien à Allah Azzawajal dans l'adoration qu'il voit à Allah Azzawajal. D'accord? Sincérité dans le culte voué exclusivement à Allah et en conformité à la sunna. D'accord? Ce sont les deux acceptations, les deux conditions d'acceptation des œuvres en islam. Wa qala jalla wa ala fil hadith al-Qudusi, et Allah Azza wa Jalla a dit dans le hadith al-Qudusi, ana aghna shuraka 'ani shirk. Allah Azza wa Jalla dit, je m'autosuffis et je n'ai pas besoin donc d'associer. Man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkuhu. Quiconque fait une œuvre en m'y associant quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre avec moi, je le délaisse lui et son associationnisme. D'accord? Ce hadith est rapporté par Muslim dans son Sahih. وإذا كان هذا في الرياء يقصد المرء بالعمل غير الله جل وعلا يقصد رؤية فلان فكيف بالتوجه بالعبادة لغير الله جل وعلا. Donc il dit ceci, hein, si cela est dans le et dans l'ostentation, d'accord? L'ostentation, rien. L'ostentation, c'est quoi? C'est le fait de rechercher une position dans le cœur des gens. C'est ça la définition de rien. D'accord? Rechercher une position dans le cœur des gens. C'est-à-dire qu'il fait une œuvre, pas pour Allah Azzawajal, mais pour un tel. D'accord? Il souhaite qu'un tel le voie. Alors qu'en est-il? Qu'en est-il lorsque quelqu'un oriente son adoration pour autre qu'Allah le Très-Haut? Ka'an yad'u ghayr Allah. D'accord? Comme s'il invoquait autre qu'Allah, pour celui qui invoque autre qu'Allah. Celui qui oriente son adoration à autre qu'Allah, il se met à invoquer autre qu'Allah. Wa an yastaghith bi ghayr Allah. Il se met à rechercher la protection en autre qu'Allah. Il demande cette protection-là à autre qu'Allah. Ou an yanzur li ghayr Allah. Ou bien il se met à sacrifier pour autre qu'Allah. D'accord? Pardon, il se met à faire des vœux pour autre qu'Allah. Ou an yadhbah li ghayr Allah, ou il se met à sacrifier pour autre qu'Allah. Ou an yasta'idh bi ghayr Allah, ou il recherche donc le secours, l'aide d'autre qu'Allah. Bima la yaqdir alayhi illallah, dans ce que seul Allah Azza wa Jal peut faire. Ou an yastaghith bi ghayr Allah. Fima la yaqdir alayhi illallah. Où il recherche la protection en autre qu'Allah dans ce que seul Allah Azza wa Jal peut faire. Et tawajjuh ila al-mauta wa li'i'tiqad fihim. Tel que se tourner vers les morts et avoir des croyances, yani que ces morts-là peuvent faire telle et telle chose. Yani, wa yusammuna dhalika sirr. Et il nomme cela comme étant quoi? Le secret. Sir. Tout le temps les mots comme ça. Un mystique, secret, quelque chose de caché, hein, de subhanallah. Yani, wa yusammuna dhalika sirr. Ils disent que cela, c'est le secret. Yuqal, ruh as-sayyid fiha sirr. L'âme de celui-ci, d'accord? Eh bien, a un secret. Ils disent que la place de l'âme, d'accord? Eh bien, c'est la parole, c'est une parole secrète. Celui-là a un secret. Et ils se mettent à dire que, eh bien, qu'Allah, qu'Allah rende sacré son secret. Ça, c'est pour référer à la place de l'âme. Subhanallah, regardez, c'est des choses de shirk qui se mettent à dire. Hein. Parce qu'ils rendent les âmes comme étant des secrets. Donc, il dit le shaykh, wa ruhuhu. L'âme de ce mort-là, là, qu'ils sont en train d'invoquer en dehors d'Allah, et qui disent que son âme a un secret, etc. Il dit, le cheikh Salah al-Cheikh Avedullah, wa ruhuhu laysa fiha sirr. Son âme n'a pas de secret. Illa sirru sun'aha wa khalqaha min Allah jalla wa ala. D'accord? Excepté le secret de, yani, comment Allah Azzawajal l'a créé, d'accord? Comment Azzawajal a créé cette âme-là, d'accord? Mais que l'individu se met à rechercher la protection de ces âmes-là, ou bien qu'elle se met à donner, ou soi-disant que ces âmes-là se mettent à donner hein, ce qu'il leur est demandé, cela, seul Allah Azza wa Jal peut le faire. C'est-à-dire que lorsque tu invoques Allah, seul lui peut te donner. Ad'uni, estajib lakum, invoquez-moi, je vous répondrai. Barakallahu fikum. Invoquez-moi, je vous répondrai. C'est ce qu'Allah Azzawajal a dit dans la traduction du sens du verset. Tu invoques Allah Azzawajal directement, pas besoin d'intermédiaire. Ad'uni astajib lakum. Invoquez-moi, je vous répondrai. Et lorsque tu invoques Allah Azzawajal, seul Allah Azzawajal peut te donner. Seul Allah Azzawajal peut te donner. Allah Azzawajal fait ce qu'il veut. Tandis que invoquer ces âmes-là des morts, d'accord? Eh bien, cela n'est bénéfique en rien. Elles ne peuvent rien faire parce que ce sont des créatures. Elles ne peuvent ni te protéger, ni te donner quoi que ce soit. Seul Allah Azzawajal peut faire ce qu'il veut, peut faire, yani, peut te donner ce que tu lui demandes, d'accord? Peut te protéger. Yani, seul Allah Azzawajal. Donc ça sert à rien d'invoquer les morts. D'accord? Donc, mais rechercher le secours par ces âmes-là, ou leur demander des choses pour qu'elles te donnent, eh bien, tout cela, seul Allah Azzawajal peut faire ça. Ce qu'Allah Azzawajal dit dans Sourate Al-Baqarah, le verset 166. Quand les meneurs, dans la traduction du sens du verset, quand les meneurs désavoueront les suiveurs, verset 166 de Sourate Al-Baqarah. Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment. Lorsqu'ils vont voir le châtiment, les meneurs, ils vont se désavouer des suiveurs. Les liens entre eux seront bien brisés. Vous voyez? Subhanallah. Donc ils se mettent, pourquoi il a mentionné ce verset-là? Parce que ils se mettent à invoquer et à adorer autre qu'Allah Azzawajal. En pensant que eux, que ces morts-là, etc., eh bien, ils pourront intercéder pour eux ou ils pourront faire un bien. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yani, eh bien, en pensant cela, eh bien, lorsque les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien brisés. Wa qala jalla wa ala, mukhbiran an hal al-kuffar fi an-nar. Et Allah Azza wa Jalla informa sur l'état des mécréants dans le feu. L'état des mécréants dans le feu. Tallahi in kunna la fi dalalin mubin. Par Allah, nous étions dans un égarement évident. Ça, ce sont les mécréants qui diront ça dans le feu. Qu'est-ce qu'ils diront? Dans la traduction au sens du verset, par Allah, nous étions dans un égarement évident. D'accord? Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Lorsque nous vous mettions égal au Seigneur des mondes. Donc, ça c'est Sourate Ash-Shu'ara, les versets 97-98. Sourate Ash-Shu'ara, les versets 97-98. Donc là, je veux juste mentionner un point ici. Vous voyez, lorsqu'on lit ce verset-là, Tallahi in kunna fi dalalin mubin. Par Allah, nous étions dans un égarement évident. Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Lorsque nous vous mettions égal au Seigneur des mondes. Yani, il les mettait égal à Allah. Mais il les mettait égal à Allah dans quoi? Il ne mettait pas égal à Allah dans la création. Parce que eux savaient que le seul créateur, c'est Allah. D'accord? Mais dans le fait qu'il les aimait, yuhibbunahum kahubbillah. Il les aime, barakallahu fik, dans l'adoration. Ils les aiment comme ils aiment Allah. D'accord? Ils craignent une chose comme ils craignent Allah. C'est dans l'adoration. Donc ils mettaient égal à Allah Azzawajal dans l'adoration. C'est-à-dire qu'ils adoraient des créatures comme ils Ils auraient dû adorer Allah. D'accord? Donc, mais ce n'est pas de croire qu'en lisant ce verset-là, eh bien, ils mettaient égal à Allah dans le sens qu'ils croyaient que leur fausse divinité avait le pouvoir de créer. Non, c'est faux ça. Aucun polythéiste mécréant, sauf les arrogants parmi eux, aucun ne croit que yani, les fausses divinités ont un quelconque pouvoir de création. D'accord? Ils savent tous qu'Allah c'est le seul créateur. Mais ils mettaient égal à Allah Azzawajal dans l'adoration. Barakallahu fikum. Donc c'est ce que je disais. Il dit le Cheikh Salah al-Sheikh Hafidhullah, il dit, les savants ont dit qu'ils n'ont pas mis, ils n'ont pas mis leur fausse divinité égale à Allah dans le sens où est-ce que eux, ils croyaient qu'ils peuvent créer. Non. Non, c'est pas qu'ils ont mis égal à Allah dans le sens où est-ce que ils peuvent créer leur divinité ou ils peuvent donner la provision, ou ils peuvent donner la vie ou donner la mort. D'accord? Mais ils les ont mis égal à, ils ont mis leur fausse divinité égale à Allah dans l'adoration. C'est-à-dire qu'ils se sont orientés vers ces fausses divinités-là dans certaines adorations. D'accord? Donc c'est pour cela que Fasaru musawwina li hadhihi al-aliha al-batila billahi jalla wa ala. Ils se sont mis à le fait qu'ils se sont mis à donc à orienter des actes d'adoration vers autre qu'Allah. Eh bien, ils ont mis égal leur fausse divinité avec Allah Azzawajal. Donc, ils ont mis égal dans l'adoration. D'accord? Leur fausse divinité. Naam. Ils l'ont mis égal à Allah en vouant donc certains actes d'adoration à ces fausses divinités-là. Fi istihqaq al-ibada. D'accord? Parce que l'adoration, on comprend bien, la ilaha illallah, nul ne mérite l'adoration en toute vérité. Excepté Allah. Nul ne mérite l'adoration en toute vérité, excepté Allah. Personne n'est digne d'adoration en toute vérité, excepté Allah. Parce que l'adoration est un droit. Et ce droit-là ne doit être voué uniquement à Allah Azzawajal, l'unique et le seul créateur. L'yannahum abadullah, wa Donc le fait que ils ont adoré Allah et ils ont adoré autre qu'Allah, eh bien ils ont mis égal la créature et le créateur. D'accord? Ils ont mis égal la créature et le créateur. Et ça c'est la chose la plus détestable. On va avoir terminé, Inch'Allah. Mais ça c'est la chose la plus détestable et la plus pire, et ça c'est la pire des injustices en termes d'injustice. Et c'est la chose la plus mauvaise, hein, la chose la plus mauvaise dans le fait d'enfreindre le droit d'Allah Azzawajal, Allah le Très-Haut. إذ حقه سبحانه وتعالى إجلاله وتعظيمه وتوحيده والإخلاص له والاعتراف له بكل كمال. Donc parce que yani, le droit d'Allah Azza wa Jal, d'Allah le Très-Haut, sa grandeur, d'accord? Sa magnificence, sa grandeur, ses plus beaux noms et attributs, son pur monothéisme, la sincérité qu'il doit lui être voulée, qui doit être vouée à lui seul, et la reconnaissance de toute sa perfection. D'accord? Et le fait de décrire Allah Azzawajal comme il s'est décrit, à la perfection. D'accord? La beauté, la perfection. Wasala ru'yat an-nafs وأنه ليس ثم خير إلا منه سبحانه. Qu'il n'y a aucun bien, donc qu'il n'y a aucun bien, donc qui nous provient, excepté d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui peut donner le bien. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui peut préserver d'un mal. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui peut enlever un mal à quelqu'un. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui peut tout faire ce qu'il veut. وَلَيْسَ ثَمَّ يَنْدِفَعَ شَرْ إِلَّا مِنْهُ سُبْحَانَهُ. Seul Allah Azza wa Jal peut enlever un mal. Donc seul Allah Azza wa Jal peut apporter un bien, donner un bien à quelqu'un. Et seul Allah Azza wa Jal peut protéger ou enlever un mal de quelqu'un. فَنَحْنُ إِنَّمَا نَتَقَلَّبْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِنِعْمَتِهِ. Nous nous tournons, d'accord, que de part la grâce d'Allah Azza wa Jal et ses bienfaits. D'accord? Que de par la grâce d'Allah Azza wa Jal et ses bienfaits. فهذا الأمر إنما يعود إلى أصل تلك الدعوات الثلاث. Eh bien, vous voyez, regardez comment il termine le Cheikh Salah al-Cheikh, Hafidhullah, les explications des quatre règles. Il termine par l'introduction des quatre règles. Il dit, vous voyez tous ces biens-là, le bien qu'on peut avoir, ou le mal qui nous est retiré, il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui peut retirer un mal, et il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui peut apporter un bien. D'accord ? Nous nous tournons, nous agissons et tout cela, que de par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, que de par les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur nous. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il dit, eh bien cela revient, d'accord ? Eh bien, à l'origine de ces trois invocations, نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Alors, Claufik, vous voyez comment il termine le shir. Il dit, et donc c'est pour cela qu'on invoque Allah Azza wa Jal, on demande Allah Azza wa Jal, Allah le Très-Haut, eh bien, qu'il fasse de nous que lorsque on reçoit, nous sommes reconnaissants envers Allah, et que lorsque nous sommes éprouvés, nous patientons, et que lorsque nous péchons, eh bien, nous demandons le pardon d'Allah Azza wa Jal, et que les éloges d'Allah et le salut soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, barakallahu fikum, nous avons terminé donc les explications des quatre règles de Cheikh Salih al-Cheikh, et à partir inshallah de la semaine prochaine, donc mercredi prochain bi'idhnillah, nous commencerons, naam, il y a un cours dimanche, mais le cours de dimanche inshallah, donc c'est après Salat al-Asr, et c'est sur les explications des Arba'in Nawawiyya. Il y a deux cours par semaine. Donc il y a les explications des 40 Nawawi le dimanche après Salat al-Asr. Et il y a donc les explications des Mutun. Là on a terminé les 4 règles. La semaine prochaine, mercredi prochain, on commencera les explications des 6 fondements, ou sous le Sitta, de l'imam Muhammad ibn Hadi al-Madkhali Hafidhahullah. D'accord, Jazakumullah khair. Donc les cours, ils sont transmis en direct sur la radio La Sunna, qui est sur MixLR. Je vais vous l'écrire inshallah sur Paltok, et bien sûr sur Paltok, et bien sûr sur Paltok dans le salon La Sunna. C'est à quelle heure le dimanche? Donc le dimanche c'est après Salat al-Asr, yani vers, on commence vers 5h30 inshallah de l'après-midi. Et les mercredis, c'est après Salat al-Isha. Les cours, ils sont diffusés en direct après Salat al-Isha. D'accord, barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Subhanakallahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum pour votre attention et votre patience. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.